Sonnet de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Sonnet. L'homme marche, escorté de deux forces contraires, se combattant toujours, la peine et le plaisir. Le plaisir s'efforçant d'exaucer le désir. La peine ne vivant que de larmes amères. La peine est la plus forte, et si quelques chimères viennent peupler l'esprit qui les suit à loisir, elle accourt au moment où l'on croit les saisir et brise sans pitié les espoirs éphémères. Ô cœurs encore naïfs qui croyez au bonheur, ne suivez pas trop loin l'illusion trompeuse, ne montez pas trop haut dans votre ciel, de peur qu'un jour, sentant faiblir votre aile audacieuse et tombant des sommets de votre espoir, vaincu, vous ne maudissiez l'heure où vous avez vécu. Fin de Sonnet, lu par Ezois en Belgique en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.